Bien, ben bonjour. Troisième jour du festival, c'est ça, parce que dans les festivals, il est tradition chaque fois pour nous de dire troisième journée. Et donc là, on entame la troisième journée, c'est ça ? Ah ben oui, donc c'est la quatrième journée. Ah ben ça va, on a déjà presque fait la moitié. Quoi ? Oui, les jours qui viennent sont doubles. Bon, donc ce matin, on a avec nous Khadija Lemkeshe. Oui. Vous me regardez, s'il vous plaît. Juste pour... Mais il ne faut pas rire. Pour rigoler. Merci. Merci. Attends, c'est pas fini, non, par des photos. Donc, non, parce que... On a avec nous une journaliste de Vaucluse Matin qui fait des exploits chaque année en obtenant dans un quotidien isérois d'avoir presque un article au moins tous les deux jours sur le festival. Et donc bon, ce ne sont pas les pages qui sont lues à Grenoble, non, ce sont les pages lues dans le Vaucluse, voilà. Alors, et Saïd Amrich, je ne me trompe pas, parce que j'oublie tous les noms propres. Donc, il ne faut pas s'affoler. Moi, je ne m'affole plus. Au début, j'étais très... Et une fois que la dame au chapeau... Dominique, les fidèles, il ne faut pas les malmener. Mais c'était très gentil, au contraire, je la présente à tout le monde comme étant une personne. Comme la présentant comme une personne rare. Voilà. Donc on va commencer par le court-métrage, comme chaque fois. À la fois respect pour le court-métrage. Et ne pas vouloir le mettre comme ça à la fin s'il reste du temps. De toute manière, on a du temps ce matin, puisqu'il n'y a que deux films. Alors, Bol Bol, même si je ne l'ai pas vu en salle, ce qui m'a fait manquer tout de même du plaisir, sûrement. Bon, c'est tout de même un plaisir. Et c'est aussi, depuis que j'ai appris un certain nombre de choses sur la manière dont ça a été réalisé, c'est un exploit. Et d'ailleurs, on se dit que c'est un exploit, ces mariages, ces scènes de mariage. Alors au début, je me disais, mais enfin, comment ils ont pu avoir autant de figurants, de personnes et tout. Et on m'a dit, et on y reviendra, que c'est des vrais mariages qui ont accepté d'être de jouer au cinéma, à l'intérieur de la cérémonie. Donc ça, on en parlera. Moi, je voudrais commencer sur la question de savoir quelle était l'idée centrale de départ, la motivation du film. Alors, ça peut être l'histoire d'un couple, mais l'histoire d'un couple, bon, elle est là, mais en même temps, elle n'est pas... Elle fait l'ouverture et la fermeture. Et ça me rappelait évidemment le film de Hindeboud Gemma et Roméo épousa Juliette, qui lui est d'une radicalité noire absolue sur le rapport de haine à l'intérieur d'un couple. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait de la haine. Je me demande s'il n'y a pas beaucoup de jeu de la part... Et au pré-générique, au générique de début, on voit Bol Bol avec un sourire, entendant ou attendant l'arrivée de son époux. Et il y a des moments comme ça de sourire dont on se dit qu'il y a évidemment un contentieux dans le couple, mais il est peut-être pas aussi... fort que ça, et d'ailleurs, comme ça se résout avec quelques gâteaux et une nuit de retour de mariage, les choses s'arrangent finalement au bout de 20 minutes, quoi. La fin du film. C'est un court métrage. Bon, et puis alors, il y a un autre sujet qui est celui de la renaissance de la femme, de sa libération, de sa réémergence. Brillante Et elle aussi rapide. Parce que dès le premier mariage, elle est en pleine forme et ça ne fait que qu'elle est encore de plus en plus. Et puis enfin, il y a le sujet des mariages eux-mêmes et de ce qu'ils disent sur la société. Et donc ça fait beaucoup de choses. Alors quel était le point principal, central dans l'origine du film? Au fait, le film s'inspire d'une histoire vraie. En fait, je me suis inspirée de ma cousine qui habite la région de Bizerte du nord de la Tunisie, qui s'est mariée vers l'âge de 45-50 ans, parce que pour avoir un statut dans certaines régions en Tunisie, il faut se marier. Elle s'est mariée avec quelqu'un pour le mariage, pour se marier avec quelqu'un avec qui elle n'avait aucune affinité. Qu'elle n'aimait pas. Donc, ils vivaient dans une maison où ils ne se voyaient même pas. C'est-à-dire, il va travailler, elle était seule chez elle, tout ça, toute la journée. Elle s'est retrouvée dans un quartier populaire. Lui, il allait se saouler tous les soirs. Oui, donc effectivement, le scénario était déjà... oui, c'est-à-dire, c'est ça. Et elle a Bolbol, enfin, elle s'appelle Habiba, on l'appelait Bolbol parce qu'elle chantait tout le temps. Bolbol, c'est l'oiseau qui chante, Al-Bolbol. En arabe, c'est. Donc, on l'appelait Bolbol. Et elle habitait devant une salle des fêtes, dans ce quartier populaire, où il ne se passait rien, en fait, parce qu'il n'y avait pas de centre culturel ou d'endroit où les femmes peuvent se rencontrer. Et donc, elle passait tout l'été, tous les soirs, dans un mariage. Et elle ramenait les gâteaux, parce que aussi en Tunisie, toutes les femmes ramènent des petits gâteaux et tout ça chez eux pour le petit déjeuner, pour faire goûter ou des dragées pour les enfants et tout. Elle ramenait tous les jours. Et petit à petit, avec les années, Bolbol s'épanouissait dans ces mariages-là parce qu'elle était toujours gaie, toujours en train de se préparer la journée pour le mariage. Et ça a fait... Ça a donné du peps à sa vie, au fait. Donc, elle s'est épanouie parce qu'elle se préparait toute la journée pour le mariage. Qu'est-ce qu'elle va mettre? Comment elle va faire ses cheveux? Comment elle s'est embellie, on s'est rendu compte dans la famille. Et chaque été, chacune disait à la fin de l'été, alors où t'as passé tes vacances? L'une dit à Hammamet, l'autre dit je suis partie en voyage. Et Bolbol, elle dit comme d'habitude dans les mariages. Elle était très, très épanouie. Et petit à petit, elle a remis du peps, elle a appris à connaître son mari. Et donc, moi, j'ai rajouté aussi... Bon, c'est vrai que c'est un court-métrage, j'ai pas les moyens de faire... j'avais pas les moyens sur ce film de faire plus. Et déjà, pour avoir 4 mariages, c'était un problème avec la prod. Donc, c'était vraiment, vraiment très, très dur d'avoir le 4e mariage avec la Tunisienne, avec un non-musulman. Donc, que je voulais absolument faire, parce qu'il y avait le projet de loi à l'époque autour de ça. Donc, au fait, Bolbol, au départ, j'ouvre une fenêtre sur un vide couple où rien ne passe, sachant qu'à partir d'un certain âge en Tunisie, la femme est considérée comme, pas féminine, elle ne peut pas être... j'ai travaillé avec Fatma pour vraiment développer cette féminité de Bolbol à travers les mariages, à travers l'épanouissement avec la musique. Elle rencontre des gens, elle ouvre des fenêtres sur des sociétés différentes. Chaque mariage, il représente une catégorie sociale de la Tunisie, une musique avec sa musique, avec ses gâteaux, avec sa façon de s'adapter. Il y a le mariage des Baldéas qui sont les bourgeois tunisiens, où vraiment c'est un peu plus snob, c'est un peu plus... Après, c'est les Baldéas, c'est les voyous, où la musique chante, où c'est du bourg, ce qu'on appelle, où il y a beaucoup de bière, où ça finit toujours mal avec la police, avec les trucs, ça se passe toujours très mal. Le troisième mariage, c'est le mariage des Niqabés et des islamistes, que j'ai découvert après l'arrivée des islamistes en Tunisie. On n'avait pas ce mariage-là avant, c'est-à-dire le Niqab et tout, donc ça représente l'époque des mariages maintenant. Et le quatrième mariage, les immigrés tunisiens qui reviennent, et souvent ils se marient avec des étrangers et tout ce qui aussi vient derrière. Donc, ce qui est derrière, c'est l'opération En fait, ce qui vient derrière, c'est ce que, en fait, même si tout le monde est d'accord, il y a toujours les femmes qui sont en train de critiquer les femmes, en fait, dans les mariages. Alors, c'est toujours, même s'il est bien, même s'il devient musulman ou pas, tout ça, il y a toujours l'histoire, est-ce qu'il est circoncis, est-ce qu'il n'est pas circoncis. Donc ça, c'est symbolique de ce que racontent les femmes entre elles, malheureusement. Hein, c'est aussi une manière de se moquer un peu de l'homme et de prendre un peu le dessus. La cible, c'est pas l'homme, parce qu'elles ont toutes envie de se marier avec cet homme-là. Ah bon, d'accord. Au fait, elle le dit, oh, tu l'as eu, tu as, comme il est beau, comme il est... Elles ont toutes envie de... Mais en même temps, elles critiquent. C'est-à-dire, il y a toujours une critique... Oui, puisqu'elles n'ont pas. Elles n'ont pas, donc... il y a une jalousie. En fait, j'en veux pas. donc, voilà, au fait. Et puis, ce que j'ai voulu aussi, la symbolique du sucre, de mettre du sucre dans son couple, d'ailleurs... petit à petit, elle remet le lien avec son mari parce qu'il se voit dans la cuisine le matin. Hein, c'est-à-dire, ils font chambre à part. Chacun. Donc, c'est à travers, elle a décidé petit à petit de remettre du sucre dans son couple. Et c'est elle qui décide, en fait. C'est elle qui un peu maîtrise sa maison, son couple et tout. Avec les gâteaux. Avec les gâteaux, le sucre. Voilà. Bon, et alors. Il y a d'autres choses peut-être qui vont venir, mais comment s'est passé le tournage et comment s'est fait la négociation avec les mariages pour pouvoir introduire des acteurs, des scènes, etc. dans une cérémonie qui est tout de même cadrée. Ouais, au fait, le problème de la figuration et des vrais gens s'est posé dès le départ, parce que je me suis rendu compte que par exemple, si je prenais des figurants avec des barbes, ou je leur mettais des barbes, et ils n'ont pas ce regard de haine que peuvent avoir les vrais islamistes en Tunisie. Et cette attitude surtout, ils ont une attitude. Donc je voulais vraiment travailler avec les vrais gens. Comme les voyous, les vrais voyous ont une danse, une attitude qu'ils n'ont pas, la figuration que je peux avoir. Alors j'ai décidé de mettre mes acteurs. C'est-à-dire, il y a trois acteurs quand même avec elle pour l'aider. Parce que je ne peux pas la plonger chez les indiens. Et en plus, ils ne savent pas ce que c'est que... Arrête-toi là, ça suffit, il faut que je fasse une autre prise, tout ça. En plus, ils ont vraiment bu, ils ont vraiment pris des cachets. Ils ont fait beaucoup de choses. Quoi. Et même, c'est-à-dire... ils étaient derrière moi des fois pour regarder la prise. Ils me disaient non, on refait. Je suis pas assez dure. Donc, pour les islamistes, au fait, je dis voilà, les islamistes, ils rentrent au départ, les hommes, pour un peu lire le Coran, tout ça. Et après, ils ressortent et ils laissent les femmes. Donc là, ils m'ont donné, genre, une petite heure. Tu vois, pour faire ça, ils m'ont dit, voilà, c'est pas grave. Et tout vrai. Mais les femmes, au fait, c'était mélangé avec des femmes aussi que j'ai choisies. Elles étaient mélangées, les femmes, tu vois. Parce que, au fait, j'ai beaucoup vu de femmes niqabées entrer chez les coiffeurs en Tunisie. Et dès qu'elles enlevaient le niqab, elles étaient dans une extravagance vestimentaire. Elles étaient avec des trucs animaux, plein d'animaux, avec des shorts... en jean vraiment à les fesses, avec plein de tatouages, c'était vraiment un extrémisme de l'autre côté, quoi. Il y a un problème avec le corps. Donc je voulais vraiment montrer ce malaise avec son corps entre du niqab, passer à un autre extrême, et ce problème avec la chair. Donc elles ont besoin de se tatouer, de se mettre des choses, de faire des... Enfin, c'est... Donc voilà. Donc j'ai dû, au fait, et les acteurs se sont vraiment bien adaptés à rentrer dans ces mariages. C'est-à-dire vraiment, ils ont eu du mal, c'était très très dur pour un certain moment. Et même, elle m'a demandé, elle voulait boire vraiment de la bière. La comédienne, oui. Même le comédien, il voulait pas que ça soit factice. parce que pour être dans cette ambiance-là, pour avoir cet effet-là, donc pour ce mariage, pour les islamistes aussi, pour la bourgeoisie, c'était un peu plus facile parce que c'est des mariages conventionnels où c'est facile de s'intégrer, c'est facile d'arriver. Le mariage de bandits, ils se sont tous retrouvés à la police. C'est vrai. Ouais, même le producteur. Donc c'est une région très chaude de la Tunisie à Mamlif et il y a eu beaucoup de soucis après cette nuit-là, quoi. Ouais. Et c'est le film, il était pour quelque chose ? Oui, parce qu'en fait ils se sont dit, parce qu'ils se sont tabassés après. Carrément. Parce que j'ai pas pu filmer après. Mais il y a eu, ils se sont tabassés parce qu'ils ont trop bu, trop. Et la police a dit qu'est-ce que nous on fait un tournage, on bosse. Et tout ça, l'archevêché. Non, pas du tout. En fait, j'ai dû décortiquer le décor en trois décors. Ah bon. Parce que j'ai pas trouvé l'intérieur qui correspond à l'extérieur. Tout ça, c'est des trucs de tricherie. Oui, cinématographique classique. Non, en fait, j'ai tourné dans un vieux casino à Mamlif qui était abandonné. Ah bon. Ouais. Bon, mais alors, donc c'était extraordinaire. Parce que quand vous prenez un mariage, il faut boucler le film pendant le... On ne fait pas une nouvelle... Ouais, ou alors, il y a des mariages que vous avez filmés et que vous n'avez pas repris. Oui, c'est-à-dire qu'avec les bandits, je ne pouvais pas refaire des choses. C'était ou ça ou rien. D'accord. Et même... Le problème, c'est que, bon, par exemple, pour les mariages des niqabés, j'ai eu des problèmes avec les filles et les gens de l'équipe, par exemple. Ah. Ouais. Parce que les gens de l'équipe étaient un peu émoustillés. Émoustillés avec les filles. Ah, d'accord. Ça, c'est des choses internes. Bon, et alors, les... Mais au fait, comme il y avait une ambiance de fête et tout ça, et tout le monde voulait faire... Enfin, c'était vraiment... Il y avait une très très bonne ambiance, en fait, sur le tournage. Et comme vraiment, c'est-à-dire avec les mariages, avec les mariés, avec... Ça, c'était très très important de ça se transmet au fait à l'image cette positivité de Bol-Bol parce qu'elle s'amuse vraiment dans les mariages et elle ouvre les portes de toutes les catégories sociales en Tunisie et surtout des communautés religieuses parce que nous, on ne va pas généralement dans les mariages de Nikabé. Par exemple, les youyou, c'est interdit de faire un youyou. C'est païen, c'est berbère en fait. Donc c'était mal d'arriver avec un youyou pour annoncer sa joie. Parce qu'un youyou, ça annonce sa joie et tout ça. Et donc, le fait que Bol-Bol ne rentre pas chez elle, elle s'intègre, elle reste dans le mariage. Elle veut connaître des gens, elle veut s'adapter, elle veut danser avec elle. C'est vraiment parce qu'en Tunisie, on est en division en ce moment. On ferme les portes les uns sur les autres, sur différents milieux comme ça, par rapport à ces... C'est-à-dire, chacun ses directions religieuses, directions sociales. Et ça, c'est très important de voir comment Bol-Bol, on peut s'adapter et on peut s'ouvrir sur les autres et avoir un moyen de communiquer et communiquer, au fait. Donc, en fait, le tournage changeait aussi le mariage, la cérémonie. Oui, ça devenait beaucoup plus festif. Exact. Malgré la réalisatrice qui disait, qui coordonnait comme quelques ordres. Ouais, entre moi et mon équipe image. Vous aviez le. Oui. Oh, on était deux. Enfin, on était en train de. C'est-à-dire, moi, par rapport à mes autres courts-métrages, j'ai pas voulu faire un film où la mise en scène, est trop présente. Donc j'ai voulu vraiment ouvrir une fenêtre très très simple, avoir une mise en scène très très simple, très très classique, sans vraiment trop... Chercher des angles... Ouais, exactement, et laisser mes personnages parler d'eux-mêmes, être, enfin, vraiment, c'est eux les, le film, c'est eux le film. Donc, j'ai pas voulu m'imposer ou imposer ma mise en scène par rapport à ça. J'ai voulu les laisser dans ces milieux et, c'est-à-dire, et les mettre en valeur sans vraiment être très très discrète en fait au niveau de la mise en scène. Non, bah c'est formidable. Alors, ça suscite. L'enthousiasme. Vous avez une question? Oui, j'aurais aimé savoir quand vous avez tourné le mariage avec les niqabs. Vous avez des hommes dans votre équipe. Donc, quand les hommes se sont retirés et que votre équipe est restée, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien du tout, parce que les niqabs étaient mélangés, les femmes étaient mélangées. Il y avait des femmes, c'est-à-dire que j'ai pris des figurantes avec d'autres femmes. C'est-à-dire, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, au fait, il y avait, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Mais hommes, les hommes de niqabs. Non, l'équipe, il n'y avait que des femmes. Ah, voilà, non, les hommes du mariage, les vrais, enfin, je veux dire, les vrais hommes du vrai mariage. Les vrais hommes du vrai mariage sont partis faire la prière. Ils sont tous partis faire la prière, donc personne n'est resté. Et les femmes, au fait, c'était, il y avait des comédiennes avec moi, il y avait trois comédiennes avec moi, Gisela et trois autres. Et puis les autres, c'est-à-dire, ça ne les dérangeait pas du tout que ce soit une équipe de tournage qui tournait. Hein. C'était pas, ils n'étaient pas fermés. Ah, non, pas du tout, pas du tout. J'ai pas eu ce problème. Et les niqabées, elles étaient toutes arrivées avec des dessous Non, pas du tout. Je les ai habillées. Non, le mariage des niqabs, les femmes, c'est moi qui les ai prises par rapport à ça, tout ça, parce que les femmes niqabées ne viennent pas tourner. Ouais. Non. C'est-à-dire, les femmes niqabées, c'est des femmes que j'ai entre comédiennes, entre figurantes et tout. Quoi. D'accord. Il n'y a que les hommes islamistes que c'est des vrais. Non. Les femmes niqabées, c'était. Parce que sinon, elles n'acceptent pas d'être filmées. Mais c'était tout de même. Ça, c'était pas un vrai mariage. Si, les islamistes, c'était vrai. Oui, donc, non, mais pas les femmes. Oui, les femmes niqabées ne restent pas avec toi. Après, c'est-à-dire, j'ai pris d'autres femmes niqabées. Donc, quand les hommes partent, Les femmes, les femmes qui enlèvent aussi les trucs, c'est d'autres femmes niqabées. Mais c'est des fausses niqabées. Ouais. Bon. Mais qui sont comme les niqabées, comme ce que j'ai vu, j'ai un peu. Et même. Le producteur m'a dit ne va pas trop dans le, c'est-à-dire dans l'animalité des vêtements quoi, parce que je voulais des vêtements en animaux et tout ça, et j'ai pas fait comme dame quoi, comme ce que j'ai vu exactement. Et s'il avait fallu renoncer à un mariage, lequel aurez-vous laissé? C'est très très difficile. Parce que je crois que les quatre doivent être là. Quoi. Au départ, il y avait trois mariages. La bourgeoisie, les bandits et le niqab. Et on a rajouté les immigrés et tout ça. Mais je trouve que les immigrés devaient être là. Parce que c'est un court-métrage, après tout. Et ils devaient faire à peu près 15 minutes. J'ai fait à peu près 25 minutes. Donc, moi, à mon avis, il fallait qu'il soit là, le quatrième. Parce qu'après, on a voté la loi. Hein. La loi a été votée de... Juste après. Ouais. Alors, préciser la loi. La loi qui stipule qu'une Tunisienne peut se marier avec un non-musulman. Et ça, elle a été votée. C'est récent, là. C'est tout à fait récent. D'accord. On vient d'avoir cette... Avant, au fait, pour se marier avec un étranger, il fallait qu'il devienne musulman. Et ça, on l'a vu dans le film je me souviens pas non plus où il y a l'homme qui c'est l'italien c'est le verrou, c'est dans le verrou, voilà, il marque, ouais. C'est le mariage avec l'italien. Ben comme quoi, je ne suis pas le seul à avoir des problèmes de mémoire. Hein. Merci à... La loi, c'est pour les femmes seulement, pour les hommes aussi. Non, les hommes avaient le droit. Toujours eu dans le monde entier. Ils pouvaient se marier avec qui ils voulaient. D'accord. J'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez du rapport, justement, très... machistes depuis que les islamistes se sont installés dans plusieurs pouvoirs dans les pays, notamment du Maghreb, enfin voir dans les pays du Maghreb, de ce rapport détérioré par rapport à l'érotisme qui régnait dans les pays de Moyen-Orient auparavant, quoi, parce que bon, la femme était quand même si elle était réduite dans un rôle plus domestique, mais elle avait quand même un rôle aussi de séduction important qu'on retrouve dans les écrits, et où on sent que là, bon, elle est complètement écrasée, mais malgré tout, ce rapport entre hommes, parce qu'on sent, Daoud en a très bien parlé dans son livre, on sent ce qu'on dit, cette gêne qu'il y a chez les hommes par rapport au rapport qu'ils ont avec les femmes. C'est un peu la même réponse que Saïd a fait à une question hier. C'est-à-dire, moi je. Enfin, en Tunisie, là où j'ai vécu avec les hommes qui sont dans mon entourage, je ne sens pas de rapport machiste. Ah. Parce qu'on a installé une certaine. Les Tunisiennes, que ce soit dans le monde du cinéma ou. Je ne sens pas du tout, on est toujours, c'est-à-dire, on avance toujours par rapport aux histoires des écrits, des lois et tout ça, et on est partout, et il y a une acceptation et une tolérance entre les deux sexes extraordinaire en Tunisie. C'est vrai que les islamistes sont arrivés en 2012, ils venaient d'Europe, nous on ne les connaissait pas, hein, ces gens-là. C'est-à-dire, ils étaient en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Oui, non, ils avaient émigré pour des raisons de voilà, politique. Voilà, et on ne les connaissait pas. C'est pas dans nos sociétés. Nous, nos sociétés, il y a toujours eu un bon équilibre entre ceux qui boivent l'alcool, ceux qui font la prière, vivent dans la même maison. On se cohabite, chacun a ses croyances. Que ce soit et même au niveau des femmes, les femmes pouvaient vont à l'école depuis les années 50, elles sont dans tous les domaines maintenant en Tunisie, et surtout les milieux artistiques, les danseuses en Tunisie ou les actrices n'ont jamais été agressées, ou sauf sur cette période là où ils sont arrivés vers 2012 après la révolution. Mais la femme est toujours dans ce rapport de séduction, sauf que maintenant, c'est-à-dire, il faut, rien n'est acquis, comme vous savez, comme partout, pour les femmes dans le monde entier. Donc on est un peu en train on a peur de revenir en arrière. Donc avec la société civile en Tunisie qui est très très forte, qui est très très présente, les associations féminines sont très très fortes en Tunisie, féministes, et même des associations sur les minorités, sur... tout ça. Donc on est juste en train d'essayer d'avancer au niveau des libertés individuelles. Par exemple, il n'y a plus de censure dans le cinéma, au théâtre en Tunisie. C'est une première là depuis 2011. On n'avait pas avant. Plus de censure du tout sur aucun sujet. Donc ça, c'est très très important pour nous. Mais c'est un acquis qu'il faut qu'on garde. Avec tous les problèmes, les fluctuations de la politique économique et tout ça, nous on doit. Donc moi je sens pas qu'il y a un rapport machiste en Tunisie. Il y a une volonté de faire régresser tous nos acquis et tout ça, et on est dans un combat, c'est vrai, en ce moment pour rester là où nous sommes et pour voilà quoi, pour garder ces libertés-là. C'est ça justement dont j'essaie de poser la question, parce que vous en parlez dans ce mariage justement des niqabés, donc c'est bien qu'il y a quand même un souci à ce niveau-là d'une certaine petite. C'est vrai qu'en Tunisie, le problème peut-être est beaucoup moins important que dans le reste de certains pays d'Afrique, mais il y a quand même un souci à ce niveau-là, comme vous dites. Tentative de régression par rapport aux droits de la femme. Moi, à mon avis, par exemple, aux États-Unis, les Mormons, on accepte les Mormons, c'est leur croyance, tout ça, mais on vit avec et on garde nos libertés individuelles. C'est-à-dire, dans une société qui se veut démocratique, il y a de tout. Il y a aussi les extrémistes des deux côtés. Oui, donc, il faut aussi apprendre à tolérer, à mon avis, pas interdire. Parce que là, on n'est plus libre et démocratique et tolérant. Mais, c'est-à-dire, si c'est leur façon de vivre, il faut pas fermer les portes, au contraire, c'est-à-dire, il faut toujours laisser un moyen de communiquer, et il faut accepter tout le monde dans une société. C'est-à-dire, même les extrémistes, des fois, on ne peut pas les éradiquer ou les interdire. Ou, et il faut apprendre à vivre dans une société où il y a des choses comme partout dans le monde. Hein. Il y a des extrémistes partout. Mais ce que vous dites, c'est bien montré dans le personnage de Bol Bol qui s'adapte vraiment à tout. Quand il faut boire de la bière, elle boit de la bière. Quand il faut être saoul, elle est saoul. Elle est très ouverte, finalement. Exact. Elle s'adapte à toutes les situations. Exactement. C'est ce qu'on doit faire, en fait, s'adapter à ces gens-là. Parce que quand on rentre en conflit ou en guerre, la violence apparaît. C'est là où la violence... En fait, la violence entre les gens apparaît quand on veut pas du tout accepter de communiquer avec quelqu'un. Donc là, on devient violent et ça devient on a l'extrémisme violent, tout ça. C'est-à-dire, la violence en Tunisie, elle vient aussi parce qu'on ne communique pas. On ne veut pas communiquer. Alors dès que quelqu'un nous dit « moi je suis de ce parti-là », on commence à l'insulter. Alors qu'on n'essaie pas de comprendre, de communiquer autrement, quoi. C'est vrai que dans ce que vous montrez, ça marche bien. Quand elle s'intègre partout, elle n'est pas rejetée du tout. Non. Même chez les Niqabé, on lui jette un voile sur la tête. Et puis voilà. Elle fait la photo. Elle est sur la photo. Parce que Bol Bol, elle, de chaque mariage, elle fait une photo. Elle garde un souvenir. Et elle est sur la photo avec les vrais intégristes. Et j'ai d'autres photos, mais bon, attendez, les voir. Elle était dans un mariage gauchiste. Avec les trucs de la gauche et tout ça, il y a des mariages. Si je pouvais comment faire, c'est un je mariage gauchiste alors. Il y a des mariages gauchistes en Tunisie, avec la gauche tunisienne, avec des drapeaux spéciaux. Il y a vraiment beaucoup plus. La mosaïque de la société tunisienne, c'est pas uniquement. Il y a plusieurs mariages. Par exemple, le mariage dans le milieu rural. Et le mariage est un moment de représentation du groupe social qui fait le mariage, qui est dans le mariage. Exact, parce que quand on passe devant une salle de mariage, rien qu'à entendre la musique, on reconnaît la catégorie sociale. C'est vrai, hein. À côté les gâteaux, la catégorie sociale, de quel milieu, c'est de quelle origine, de quelle région de la Tunisie aussi. Parce que moi, j'ai pas fait c'est-à-dire, j'ai pas eu. Je ne pouvais pas faire les mariages du Sud. C'est autre chose, hein, les mariages du Sud. Donc, je pouvais faire que ces quatre mariages-là. Mais chaque mariage a une connotation culturelle très forte, sociale très forte, et aussi de la région où on est. Donc, et les gâteaux aussi déterminent cette spécificité. Et c'est ce qui fait la multiculturalité de la région aussi. Cette mixité, Mais sur la question de la violence, quand même, moi j'ai vu le film de Amina Zboui à Lausanne, sur Amina Zboui à Lausanne, la violence que subissent par exemple la communauté LGBT dans la rue, que d'autres subissent ici en France aussi. Hein, y a une recrudescence des actes violents vis-à-vis des actes homophobes, etc., etc. Cette violence-là, elle est quand même bien présente, quoi. Elle existe. En France, il y a une femme qui meurt tous les deux jours sous les coups de son mari. C'est aussi une violence qu'on est obligé de dénoncer. On ne peut pas dire qu'on va... Enfin, il y a quand même une petite ambiguïté dans ce truc de dire, c'est quand on s'oppose aux idées des autres qu'il y a violence, etc. Non, je ne dis pas que uniquement quand on s'oppose... La violence, elle est partout dans la société. Mais on peut, c'est-à-dire, l'amoindrir, contourner. La contourner. Si par exemple, si on connaissait mieux les gens, quoi. Si on prenait le temps de ne pas comme ça être dans cet extrémisme. On a un point de vue de démocrate, fondamentalement. On voit bien dans le film aussi que ce personnage Bol Bol, c'est qu'elle a du courage. Enfin, c'est évident, en fait, c'est pas simple. Ce film, il ne nie pas les problèmes de cette société, comme nous avons les mêmes, comme vous le dites. Mais le problème, c'est que si elle montrait les violences contre les LGBT, par exemple, tout de suite on dirait, ah ben oui, alors c'est comme ça en Tunisie, parce qu'ils sont musulmans, machin, machin. C'est exactement la même chose en France. Donc, moi, je trouve que le film montre bien un éventail de la société tunisienne. Les régressions dont vous parlez, elles existent, les tentatives de régression, elles existent en France. il y a des mouvements contre l'avortement. Voilà, donc on est... Moi, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que oui, ça, on sort de la stigmatisation et on a accès au fait que c'est un pays comme les autres où il y a des problèmes et où il y a des gens courageux qui prennent le parti. Mais c'est tout bête, moi j'habite à Marseille et j'ai pas le courage de. Quand je prends un taxi, enfin qui vaut mieux en ce moment. Mais taxi marseillais, écoute, c'est. Et parler avec un c'est l'horreur. Taxi, moi assez vite, je dis bon, ben on va arrêter de parler parce que. Ben je ne sais pas faire, quoi. Donc on mesure bien le courage qu'elle a d'y aller, d'expérimenter. Elle a peur quand elle rentre dans le mariage des Gandhi. Ouais. Elle a très très peur. Déjà celui qui ouvre la porte, le bandit qui ouvre la porte, il a fait au moins une vingtaine d'années de prison. Hein. Ouais. C'est-à-dire, elle est vraiment. Même l'actrice, quand elle les voit, elle est. Je dis, c'est pas du jeu. C'est-à-dire, c'est dans le film, elle a peur, mais elle reste quand même. Elle dit, je ne sais pas danser. Il dit, viens danser. Je ne sais pas danser. Il lui dit, alors tu viens danser. Il lui prend son sac, lui donne, il lui dit à la fille. Fais attention, ne prends pas, c'est-à-dire ne vole pas ça. Et tu rentres danser, tu vois. C'est un peu violent ce qu'il lui fait de danser. Elle a dansé même s'il n'avait pas envie dans ce mariage-là. Comme elle boit. Elle boit, ouais. Elle a dit qu'elle ne buvait pas, mais il lui a ramené la bière. Il lui a dit, maintenant tu bois, quoi. Alors, si vous voulez bien, on va s'arrêter pour le moment. On peut toujours revenir... Mais l'ennuyeux, c'est que vous n'êtes pas vus mutuellement. Enfin, si je mets ton affiche. Juste, moi, je voudrais quand même vous dire une chose. Parce qu'on a beaucoup parlé des mariages, on n'a pas beaucoup parlé de l'histoire du couple. Et moi, je trouve que le ton est donné dès la première image. Par rapport aux représentations qu'on a ici, où on a toujours des femmes dénudées et des mecs non. Et la première image, où elle est, elle, extrêmement fermée d'ailleurs, et qu'il sort de la salle de bain en tenue légère, je trouve que c'est très intéressant de l'ouvrir comme ça, sur cette inversion par rapport aux représentations qu'on a habituellement, ouais. Où petit à petit s'habille au fur et à mesure. Elle est avec le t-shirt de Messi, elle met un t-shirt de foot, elle. Elle dort avec lui, et lui, il s'en fout, quoi. Il est avec sa culotte. Il n'essaie pas de se séduire. C'est... Mais il s'habille au fur et à chaque séquence, il est un peu plus habillé. Oui, voilà. Il commence à faire attention parce qu'on commence à faire. Parce qu'il y a des gâteaux qui sont là et qu'il faut, faut les mériter. Il remarque qu'il lui a mis. Voilà, c'est au début, il ne se voyait pas. Elle ne voyait même pas, quoi. Et lui, il n'essaye pas de faire un geste à quelque chose. D'ailleurs, au début, quand on voit ce cadre avec la cuisine au premier plan et en deuxième plan, les toilettes. On se dit, bon, là, on a le cadre du film. Et puis, pas du tout, parce qu'il se passe plein d'autres choses. Bon, on s'arrête là. On peut toujours revenir après. Et donc, bonjour. On s'est déjà dit bonjour, mais enfin, voilà, c'est pour le cinéma et pour la radio. Bon, retour à Bologne, il s'est dit tellement de choses hier autour de ce personnage, des sangs qu'on pouvait donner à différents moments. Bon, c'est un film que je crois tout le monde a apprécié, et moi parmi tous les autres. Alors, je voudrais toi me dire un bravo pour les 67 minutes, parce que un film qui a une telle densité, qui dure 67 minutes, non pas 100 ou 120, c'est un exploit. C'est formidable comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une densité très grande, on a une multiplicité de personnages, de situations, et tout s'enchaîne facilement. Et ça qui est peut-être quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est que chaque séquence, chaque situation existe complètement, quoi. C'est-à-dire que c'est pas allusif et... c'est ce que vous disiez hier, c'est que tous les personnages secondaires ont droit à la parole, à exister dans le film et à être présents et à pouvoir avoir le comportement, les paroles qui leur correspondent. Donc Et aussi, alors peut-être, des acteurs qui sont... on a parlé de l'acteur principal, mais je trouve que tous sont aussi cette vérité du film, quoi, cette vérité des personnages du film. Alors, en regardant le film, j'ai pensé à un autre film, évidemment, qui est le film d'Alain Gomis, Aujourd'hui, où c'est un personnage qui revient des États-Unis à Dakar et qui va faire le tour de ses amis, de sa famille, alors qu'on lui a annoncé, il sait que c'est son dernier jour et qu'il va mourir au petit matin. Donc on est... et ce film est un film qui n'est pas du tout le même esprit, puisque c'est pacifié. C'est pacifié justement parce que lui sait que... il n'a rien à chercher à imposer, à gagner, et voilà. Et alors, en poussant peut-être un peu les choses, on se dit, bon là, il trouve la paix, et la dernière scène de ce film dans la cour avec sa femme et tout ça est splendide dans Aujourd'hui. Il trouve la paix parce qu'il va mourir. Et là, on a dit hier que finalement, il est venu combattre sa ville, se battre avec sa famille, et il a perdu d'une certaine manière, en même temps il a gagné, et donc la fin de ce parcours, c'est pas évidemment la mort, mais c'est au contraire qu'il va revivre autrement. Et finalement le parallèle qui me semblait au début un peu artificiel, il n'est pas si absurde que ça, enfin j'espère, parce que ce sont des moments clés où beaucoup de choses peuvent se passer. Alors, je dirais encore une chose, enfin, j'en ai noté beaucoup d'autres ce matin. Moi, je me lève le matin à 8h pour préparer les rencontres, hein, pour vous rendre compte du travail. C'est pour ça qu'on est là, on sera. Parce que comme j'ai déjà dit tout le temps que je perds la mémoire, il faut vraiment que je note les choses, sinon il n'existe plus. Et c'est à propos de la question de la faille. Parce que, effectivement, ce gars arrive avec une faille qui va finalement, d'ailleurs, exploser au fur et à mesure de ces situations de conflit qu'il provoque et qui trouvera son épilogue dans, finalement, le retour vers le père. Mais la faille, on le sent dès le départ, puisque dans la voiture avec Elisabeth, elle lui dit « tu as de l'appréhension », en anglais, comme c'est pas l'anglais, mais enfin, c'est traduit comme ça. Et effectivement, on voit qu'il est très tendu, et il dit non, et en même temps, au volant, il est complètement tendu. Et donc, on sent que quel que soit le jeu qu'il va jouer, il est dans un état de fragilité. Est-ce que c'est juste ? Oui, en tout cas, il est dans une forme de mission, donc il est préparé. Je dirais peut-être pas faille, parce que en tout cas au début, il est en contrôle, mais il a la tension du combat qui s'apprête à donner. Il vient armé comme on monte dans un... Voilà, dans Retour à Bolène, il y a le mot retour et il y a le mot Bolène. Et c'est presque un ring, c'est presque une scène. Et donc, les deux scènes avant d'arriver dans la voiture à Bolène sont deux scènes de préparation où il est extrêmement nerveux, où il commence déjà à mal parler au chauffeur de taxi, où il est déjà dans une préparation de ce qui va advenir. Ouais. Qui est pour lui une confrontation, peut-être inconsciente. Ce qui m'intéresse dans le film, c'est de faire sur des thématiques qui sont personnelles. L'axe par lequel je l'ai regardé, c'est d'en faire un personnage inconscient. C'est-à-dire inconscient de son de la honte de soi et du rejet. C'est-à-dire, c'est ça qui m'a intéressé, c'est que il y a beaucoup de choses qu'il s'est formulées et il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait inconscientes chez lui. C'est pour ça, c'est pas un personnage d'artiste qui revient, c'est pas un personnage d'écrivain. Il y a eu beaucoup la question du retour à... voilà, c'est presque un genre en soi, littéraire. J'avais parlé d'Alain Gomis, il y a Lagarce, Jusqu'à la fin du monde, il y a Héribon, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette question-là. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est que le personnage ne soit pas, n'intellectualise pas la notion de retour, mais qu'il la subisse. Je voudrais juste revenir sur un terme que vous avez employé tous les deux. Quand vous parlez de combat, moi j'ai plutôt l'impression qu'il arrivait avec la nécessité forte de marquer sa différence par rapport au milieu d'où il est issu. Et que c'est ça qui provoque le conflit, parce qu'il refuse de se reconnaître dans ce d'où il vient. Et que évidemment ça provoque. Oui, on n'emploie pas les mêmes mots, mais je suis d'accord avec vous. S'il vient avec, inconsciemment, il vient avec l'envie de se prouver à lui-même et de montrer aux autres qu'il n'est pas eux. Oui, qu'il est différent. Mais inconsciemment, il est aussi happé de manière vertigineuse par quelque chose qui lui échappe. Mais sa volonté et sa conscience, c'est de dire je viens là pour montrer à ma copine, voilà, et présenter. Mais inconsciemment, ce qu'il a envie vraiment profondément, c'est de se prouver à lui-même qu'il a existé sans eux, qu'il est différent, point par point. Oui. Madame. Oui, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Alors, en faisant une analyse peut-être un petit peu plus psychologique, je pense qu'il ne se rend pas compte qu'il est à la fin d'une grosse crise. Ce que j'appelle le fantasme d'auto-engendrement, parce que dans tous les films, on a l'impression qu'il arrive en disant « je me suis fait tout seul ». Alors qu'on sait qu'il s'est sûrement, évidemment, pas fait tout seul, il s'est construit et donc il a acquis cette fierté, mais ça ne marche pas. Et à la fin, je pense que c'est ça qui le pousse à revenir, parce qu'il n'est pas obligé de revenir, il n'y a pas de malade. Donc il est à la fin d'une grosse crise, mais il ne sait pas, et c'est pour ça qu'il échoue. En fait, il est en fin de... Enfin, il échoue, ou il réussit. Oui. D'ailleurs, effectivement, on ne sait pas pourquoi il revient. Parce que ce n'est pas pour présenter sa femme, puisque oui, mais, il est bien dit qu'elle l'accompagne. C'est elle qui lui dit, mais je vais t'accompagner. Donc c'est un processus qu'il a engagé pour lui-même tout seul. Non. Oui, c'est là. Il y a une opportunité, il y a une occasion. Il y a une opportunité, et il y a surtout. Ah oui, c'est le mariage. Après, oui, c'est là. C'est une demande en mariage. Il n'y a même pas le verre. C'est même pas tant l'événement. Après, il y a quelque chose moi qui m'intéressait dans ça, et le film est court aussi pour plein de raisons. C'est que j'aime bien le hors champ qu'il puisse avoir dans des situations. J'aime pas tout expliquer. Moi, j'aime bien me faire mon idée sur avant. On sent peut-être une pression de sa fiancée qui vont. À l'aube de construire une nouvelle ville, ils viennent s'installer ensemble. On sent une pression à découvrir sa famille à lui. On sent une pression. Mais l'idée centrale, au-delà des choses purement de logique, d'événement à événement, ce qui m'intéressait peu, ce qui m'intéressait, pourquoi il revient, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est qu'il y a à la fois la relation à la ville natale, la relation à la famille, et traversée par quelque chose qu'on ne peut pas s'expliquer. C'est-à-dire qu'il lui-même ne sait pas pourquoi il revient. Il revient à la fois parce qu'il les aime, comme il le dit, je pense à vous chaque jour, et à la fois il les hait. Et donc il y a quelque chose qui presque qui l'aimante vers cette ville. Il vient sans même... Il ne pouvait pas ne pas revenir. Au bout d'un moment, on finit tous par revenir. Est-ce que c'est... vous avez cité beaucoup de thématiques, enfin la même thématique dans d'autres. Moi, j'ai beaucoup pensé à Solal d'Albert Cohen. Oui. Ça me fait plaisir que vous ayez pensé. Oui, elle a dit ça en venant en voiture à Saint-Saturnin. Et moi, j'avais une autre idée aussi, mais que j'ai oubliée. Bon. Il fallait noter. Heureusement, j'ai trouvé un agoniste. Il fallait noter. L'essentiel, c'est de l'avoir pris. Oui, et l'essentiel, c'est que la voiture soit arrivée à la maison. Quoi. Alors, il y a quelqu'un qui voulait parler. Oui, non, je me demandais si le fait de revenir, c'était pas aussi mesurer le chemin parcouru. C'est-à-dire qu'il a tourné la page, il est parti dans un autre pays avec une femme de culture différente. Et je me demandais si le fait de revenir dans l'endroit où il a grandi, si ça ne lui permet pas de mesurer justement comment il est devenu différent. Et de faire mesurer aux autres. Voilà, de marquer, voilà, maintenant je suis ça. Je viens voir d'où je viens pour pouvoir savoir où je suis aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a une nécessité pour lui qui est encore une fois inconsciente, il y a une nécessité pour lui de revenir pour avancer. C'est-à-dire qu'il le fait aussi. Il est dans un mythe de soi, et dans une honte de soi. Et c'est les deux qui doivent se conjuguer pour pouvoir lui avancer. C'est-à-dire qu'à la fois casser un peu cette forme de mythoclastie de son propre parcours pour ensuite avancer. C'est la question du transclasse. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, et ce qui m'a intéressé, c'est vraiment être coincé entre le chemin parcouru, qui est du fait de ta propre volonté et de son propre courage, et parce qu'il était fort, et parce que j'ai pas envie de lui enlever ça. Mais en même temps, il est allé tellement loin que le retour en arrière devient impossible, mais ce retour est indispensable. Oui, c'est ça qui m'a... En tout cas, c'est dans cette faille-là, pour revenir au terme, qui m'a intéressé de travailler, à quel moment, et qui a beaucoup chez Didier Ribon, de ce retour impossible, mais nécessaire. Parce que quand on part loin, loin géographiquement, puis loin dans sa tête, on a tendance à oublier un peu, en tous les cas à se souvenir que des choses qui sont honteuses, justement, des choses dont on a honte et qu'on a voulu fuir. Donc peut-être aussi de se replonger, c'est vraiment de retourner dans la réalité. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que dans mes vieux souvenirs, j'ai surtout les souvenirs des échecs et des hontes. Et oui, c'est ça. Ah. Qui me revient beaucoup plus. Et je pense que c'est quelque chose, je le dis, parce que je ne pense pas être le seul dans ce cas-là. Et si on retourne dans la réalité vraiment, on peut justement s'apercevoir que la honte, elle est pas, on peut la balayer. En fait. Mais... On peut passer à autre chose. Alors, on va avoir encore prendre quelques débats sur le personnage, mais j'aimerais ensuite qu'on vienne un peu sur Bolène. Hein? Alors. Ah, moi, je voulais parler du personnage sur Bolène. Oui, mais c'est... Parce que je trouve que le film, c'est une sorte de conte, c'est Bolène, mais ça pourrait aussi être ailleurs. C'est autre chose. Enfin, l'histoire pourrait se situer complètement ailleurs, dans un autre milieu social, culturel, etc. Je trouve que les personnages secondaires sont extraordinaires parce que, d'une phrase, ils renvoient en gros ce qu'il est venu chercher, une sorte de vérité, par des petites des dialogues. Bravo pour les dialogues très précis. Oui. Tout ce que ce soit la sœur, le copain là, qui fait du rap, le demi-frère, enfin, il le renvoie à ce qui fait mal, mais très rapidement, hein, par des petites piques. Et ça l'aide beaucoup, je pense que ça participe de ça. Enfin, je sais pas quoi, hein, son changement, Alors, la réflexion qu'aura lieu après. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un moment très intense quand il remercie cette femme qu'il a laissée. Et il y a une séquence où on a un peu l'impression qu'il est en train de craquer, entre guillemets, il a un doute. Enfin, en tout cas, il est filmé de telle manière, quand on le regarde, on se dit, mais là, il se passe quelque chose, est-ce qu'il va basculer? Alors ça dure un moment, cet instant, c'est plutôt d'un coup, il y a une espèce de recul. Mais là, c'est la seule fois où on se dit, enfin moi je me dis, il était sur le point peut-être d'avoir un regret ou peut-être pas un regret mais oui, trois années, mais c'est un retour à la tendresse, ouais, aussi, voilà, quelque mais, chose de plus humain que ce qu'il avait eu jusque là dont on en a un peu parlé hier. Moi, encore une fois, de manière très simple, ce que j'ai aimé dans le titre et dans l'idée du scénario, c'est l'aspect purement, en tout cas la rigueur que ça implique. Et le retour, c'est quelqu'un qu'on prend et qu'on travaille. Moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement programmatique. Bon, il faut que le spectateur soit tenu par le film. Il y a quelque chose, on sait ce qu'on... Voilà, j'aime bien l'aspect programmatique de la chose. Et c'est vrai que ce personnage, on va le travailler au corps. Il est travaillé au corps par la ville et par les personnages secondaires. Et c'est vrai que... Et progressivement, c'est de dire... Bah, dans cette ville sinistrée, avec ces gens qui sont en échec, il y a eu de l'amour. Et c'est ce moment-là où il faut qu'il puise l'amour qu'il y a eu, que ces gens-là lui ont transmis. C'est ça qui lui a permis aussi d'avancer. Et donc c'est le moment avec son ex, cet ami, est le début de ce revirement-là, où la question de l'amour ressurgit. Où il a quelque chose et où il peut travailler quelque chose. Et donc ça, c'est tout à fait juste, c'est un moment assez charnière. Mais après, tous les moments, comme le film est assez court, tous les moments, moi, voilà, avec le demi-frère, on sent aussi il y a une bascule par rapport au... Donc c'est vraiment cette continuité de confrontation qui à un moment la faille s'ouvre. Est-ce que tu peux me permettre? Tu as eu la parole hier, toi déjà. Non, mais juste... Tout est permis. Juste quelque chose de très, très simple. Parce que je crois, moi, que ce film-là, c'est un type de... À part le fait que c'est un geste en soi, c'est statué sur les gestes. Et je trouve que le moment essentiel, pour moi, dans le film, c'est quand il s'accroupit. Je ne sais pas si vous avez vu comment il est filmé. Il est raide, même avec sa maman, quand elle l'embrasse, il a les bras ballants, il est comme ça. Il est tout le temps raide, quoi, avec ce manteau-là. Et là, ce moment-là, avec après ce cheminement, avec cette caméra, on a l'impression qu'on rentre dans quelque chose de, enfin, à l'intérieur. Et là, quand il s'accroupe. Là, c'est un geste. Il se met à hauteur. C'est le moment où il accepte de se mettre à hauteur de quelqu'un de plus bas. Et il y a quelque chose qui, en même temps, c'est son père. Mais on est dans le mythe quand même de l'autodétermination, de l'autoconstruction, etc. De quelque chose qui est en plus dans un symbole extrêmement viril et phallique, des tours, etc. Et c'est la première fois où il accepte de faire le chemin inverse. Le s'abaisser, c'est d'une certaine manière revenir vers soi. Mais c'est l'envers du voleur de bicyclette, de la fin. Oui. C'est quand il prend la main, il se met au niveau de son fils. Oui. C'est vraiment... Moi, j'ai tout de suite fait ça. Ça, c'est des gestes de cinéma. Je dis ça pas pour dire juste ça. C'est pour dire que souvent, quand on voit des films comme ça, on est tellement obnubilé par des questions qui nous travaillent beaucoup, de politique, de machin, qu'on ne voit pas le message que le cinéaste nous envoie, à partir de gestes très simples, quoi, et qui sont essentiels, quoi. Oui, en tout cas, merci beaucoup, parce que ça me touche. Et ce que vous disiez, c'est que moi, je fais un film je le place dans un cadre sociopolitique et de la France aujourd'hui, de Bolène. Mais parce que j'ai connu Bolène, j'ai un rapport à je la filme selon le rapport que j'ai eu avec elle, c'est-à-dire de manière distante. Mais je crois profondément qu'on fait les choses les plus universelles en s'attachant en étant le plus proche du détail. On fait pas un film universel comme ça en disant il va être universel. C'est la pire des erreurs pour un cinéaste de croire faire un film universel. C'est vous voulez filmer moi, ça m'énerve beaucoup dans des films. Mais vous voulez filmer un village africain, il faut filmer un bout de mur. Il ne faut pas filmer le village en plan large. Parce que c'est la différence entre l'exotisme et l'authenticité. Et moi, je suis à Bolène, mais je suis surtout dans quelqu'un qui est traversé par des émotions. Bolène, je ne suis pas capable de dire ce que c'est que Bolène. Il y a plein de gens de Bolène qui disent « Vous n'avez pas filmé ça ?» Mais je ne suis pas là, je ne vais pas filmer toute la ville. Ça me prend des heures. Il y a 15 000 habitants, je n'ai pas filmé de chaque rue. Il y a tous les pans de la ville qui n'est pas filmé. Les pavillons, on y voit rapidement. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est hyper important. C'est mon cadre, c'est le cadre que je choisis. Et parce que c'est Bolène, parce que c'est une famille maghrébine. Mais pour moi, c'est aussi une manière de faire une famille maghrébine avec un autre sujet. C'est-à-dire que... On ne dit pas à Desplechin qu'il fait des films sur Roubaix. Mais entre autres, ce n'est pas limitatif à ce qu'il fait. Parce qu'il fait aussi des films sur la famille, sur le souvenir, sur plein de choses. Donc, pour moi, c'est une question importante que le cadre, c'est vraiment, il faut être le plus près possible de ce qu'on filme pour espérer, après, c'est plus de notre ressort de toucher les gens. Oui, alors ça nous amène un peu à Bolène. On aurait sûrement encore plein de choses à dire sur le. Peut-être avant de passer à Bolène, je voudrais faire une remarque, c'est-à-dire ce qui est formidable dans le film, c'est que là on passe depuis une grande demi-heure à faire un peu de la psychologie appliquée. Et le film n'a aucun psychologisme. Enfin, je veux dire, ce sont des actes, ce sont des mouvements, ce sont, etc. Et ça introduit cette interrogation, et donc, ce qu'on a pour répondre à cette interrogation, nous faisons un peu d'analyse psychologique pour essayer de bien comprendre, etc. Mais dans le film lui-même, les choses, c'est de l'action, il se passe des choses, voilà, et c'est pas du sentiment qui est mis en... Alors, tout de même, Oui, après, mais j'ai la parole, donc je la garde. Avant d'oublier. Non, il y a quand même une scène. Il y a quand même une scène drôle. En retard, fais attention tout le monde. Je suis ton ancien. Hein. Alors, s'il te plaît, du respect. Voilà. Bon, d'accord. Il y a un moment drôle, une scène très drôle, c'est celle avec le fiancé. Parce que comme il n'y a pas tellement de scènes drôles, celle-là est assez extraordinaire, parce que c'est évidemment de la caricature, mais c'est d'autant plus drôle que ensuite le fiancé et Mustapha rigolent en disant il est ridicule à un point, etc. Bon, je mets ça en parenthèse parce que c'est pas central, mais ça veut dire que il y a des tonalités tout de même multiples. Mais dans ce balancement entre appartenir et rejeter, on sent bien qu'il ne s'est pas se placer. C'est-à-dire que là, il y a une tentative d'appartenance et de jouer le rôle du grand frère, mais il est totalement ridicule parce qu'il n'est pas à sa place. Ouais. Il a une distance qui n'est pas bonne. Ouais. Il n'est jamais à la bonne distance et c'est con. Justement, ce que vous disiez, c'est quand il se baisse, quand il se met face aux gens. Là, il y a quelque chose, un moment, quand il se met à marcher. Après, d'ailleurs, après la scène avec la copine, c'est la première fois qu'il joue au foot. Et donc, déjà, il se déplace. Déjà, c'est le seul moment où il se déplace. Sinon, il marche très peu. Il conduit, il est assis. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là. Donc, et par rapport à la scène avec le fiancé, il ne sait pas comment parler à l'autre. Il est à la moitié raciste. Il est méprisant socialement, culturellement, de tout. Avant de passer à Bolène, je voudrais moi reparler du rapport au père et au demi-frère. Parce que là, tout d'un coup, il n'y a pas que lui qui est en opposition. C'est très surprenant quand on découvre la réalité du père, alors qu'on l'a présenté à travers tous les autres personnages. Et en particulier le demi-frère qui en rajoute, enfin qui est beaucoup plus dur que lui. C'est le demi-frère qui fabrique l'image de ce père violent qui est l'ennemi. Donc là, c'est lui qui fait, quand il retrouve le père, qui dégonfle le mythe qui est fabriqué par quelqu'un qui n'est pas parti. Oui. Tu vois, c'est là, je trouve que... Mais parce que pour moi, c'est dans la question de la communauté, que ça soit à l'intérieur de la famille ou à l'intérieur de la ville, personne. Moi, je pense pas que le demi-frère exagère. Justement, j'ai besoin du demi-frère pour montrer à quel point ce qu'il a subi. Sinon, le personnage, il veut pas parler au père et le père, c'est juste un gentil à la fin et qui. Non, le père a vraiment fait, comme il dit, ils avaient rien, il les a pas aimés. Le seul rapport de filiation qu'ils ont eu, c'est le travail. D'ailleurs, à la fin, ils viennent, ils parlent de travail. Donc, c'était important de voir pour moi, de réhabiliter le personnage principal à travers une figure qui est totalement en échec, qui est celle du demi-frère, c'est-à-dire qu'il aurait pu devenir ça. Et donc, pour moi, ça, c'est la vérité du demi-frère. Mais le père a sa vérité. Et c'est ça qui, c'est une famille, c'est une histoire d'une famille, l'histoire de l'immigration aussi marocaine à Bolène, où il y a quelque chose de là, de quand la demi-sœur dit « tu connais même pas son histoire à lui, on parle du père », lui aussi, l'histoire du père, la vérité du père, c'est un vieillard de 60 ans qui est tête contre terre et qui coupe des salades. C'est pas un vieillard. C'est pas la question de l'âge exactement, mais c'est-à-dire c'est son statut. C'est son statut par rapport à la ferme. C'est un vieillard par rapport à l'activité qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est vraiment. Il est déclassé. Le père, il aurait eu le même âge, il aurait été dans un bureau, c'est pas pareil. Il n'aurait pas été un vieillard. C'est-à-dire que c'est vraiment... parce que la terre, ça vous tue, ça vous brise. Oui. Enfin, bon, ça, on laisse cette question. Du coup, ça m'intéressait que la vérité de demi-frère soit pas la vérité du personnage principal, ni la vérité du père sur le même sujet. C'est-à-dire que chacun a son... Alors, dans cette scène finale sous la serre, il y a aussi quelque chose, c'est que jusqu'à présent, c'est lui qui dirigeait les, les opérations, qui refusait, qui insultait, etc. Et là, devant le père, il ne le fait pas, il ne fait pas de provocation, et c'est le père qui lui pose des questions. Hein. Et donc, il y a un renversement de la situation qui est le retour à une situation un peu naturelle du rapport, y compris lointain, mais tout de même du rapport entre le père et le fils. Oui, bah, c'est pour ça voir le père a été si difficile, parce qu'il sait que la confrontation au père, c'est un... Il a gagné. Mais surtout dans un rapport où il est absolument pas en maîtrise. Ouais. Il subit. Ouais. Il subit ce que son père va lui dire, il subit ce que son père... Même pas, il ne sait même pas retrouver la rougette. Donc oui, c'est juste, et c'est le... Et voilà, il le sait bien, il y a le pressentiment que c'est qu'il peut pas dominer cet échange. Ouais. Vous dites que c'est la scène finale. Non, la scène finale, c'est le... Enfin, j'ai pas vu le film hier. Non, hein, c'est quand il laisse le message. Oui, c'est le message. Oui, dans la scène finale à Bolène. Enfin, je veux dire, vraiment. Sur ce message aussi, il y aurait beaucoup à dire. Enfin, excusez-moi. Ouais. Pour m'être interpellé par ce message. Oui. Il y a aussi les gâteaux qu'il emporte finalement. Ça me fait penser à ce que je fais. Oui. Ça, c'est... La scène avec la mère, le refus des gâteaux est horrible, enfin vraiment horrible. Mais moi je suis étonné parce que dès qu'il y a un film arabe ou autour des Arabes, souvent, le public, je parle sociologie du public, où est-ce qu'elle est la femme? Alors que là, dans ce film-là, moi je pense que la femme dans ce film-là, elle est absolument essentielle. Toutes ces femmes, c'est le dernier film de femmes. La sœur Adjar, elle s'appelle. Hein, essentiel. Un personnage femmes, formidable. Elles ont un statut très, très particulier. Je pense notamment à ce dialogue avec sa sœur. Incroyablement filmé. Extraordinaire. Incroyable. Un chant contre chant qui n'en est pas un tout à fait. Presque un faux cadrage. C'est incroyable. C'est comment tout à l'heure, je ne sais pas qui disait, aussi ça, son ancienne fiancée, etc., la mère. Et puis ce moment magnifique où toutes les trois, même si c'est un peu, ça peut paraître mièvre, un peu mélodramatique, en fait, toutes, elles s'embrassent dans ce plan-là. Toutes elles. C'est, je ne sais pas pourquoi on pense pas ça, alors que ça me paraît fondamental, au-delà de la métaphore mère, terre, des choses comme ça. Hein. Oui, parce que, en tout cas, dans ces familles-là, qui sont... Au-delà même des familles maghrébines, mais moi je parle vraiment des familles ouvrières, des familles prolétaires, les hommes sont satellitaires et les femmes sont structurantes. C'est-à-dire qu'il y a la relation de l'émotion qui n'est pas assumée par les hommes, ou en tout cas l'amour et l'expression des sentiments est refusée par les hommes et aussi refusée aux hommes. Et du coup, l'espace affectif, l'espace familial est structuré par des femmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous retrouvez, par exemple, chez Édouard Louis, chez Éric Bon, chez Annie Ernaux. C'est vraiment ça m'a importé que voilà, il y a à la fois, on est dans un cadre maghrébin, mais qui est aussi structuré socialement. Alors, structuré socialement, ça nous amène à Bolène. il voulait venir. Non, j'ai rien de spécial à dire à Bolène, parce que vous avez dit une chose importante, c'est la manière de filmer la ville. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que ce qui fait partie du cadre social et familial de son passé et qu'on n'a pas un panorama de la ville, sauf la nuit, où on voit la ville, et moi, alors là, j'ai été émerveillé. Je me dis, mais c'est une ville gigantesque. Parce qu'en plus, il y a les lumières de l'autoroute, alors du coup, tout ça est illuminé, et bon... Elle dit c'est tout petit. Et justement, ça m'a tiqué. Lui, c'est bien une Américaine, et je me suis dit, les Américains ils n'ont pas le même référentiel. Elle vit à Abu Dhabi, elle est à Bolène. Alors, justement, c'est peut-être que l'essentiel a été, vous l'avez dit tout à l'heure, sur cette manière de filmer la ville, mais on voit la ville, en même temps, il y a beaucoup, ça dit beaucoup de choses de l'ensemble de la ville, à la fois la municipalité, la situation économique, l'absence de services, enfin, tout est dit sans doute. Et en même temps, on ne montre que cette partie de la ville qui a un sens direct par rapport au film. Sauf la scène du concert. Alors, pourquoi cette scène? C'est pour montrer que, tout de même, on peut aller au château de Grignan, parce que j'ai vu ensuite au générique, c'était à Grignan, et que la bourgeoisie locale peut s'offrir un peu, tout de même, de... Elle existe, et qu'on la trouve là, ou bien c'est peut-être pourquoi? Deux choses. Oui, par rapport à la ville, c'est important, en tout cas, d'évoquer comment c'est filmé, parce que ce sont les seuls plans qui sont des plans de non-fiction, c'est des plans documentaires, le travelling sur la ville. Ça, on est vraiment dans quelque chose de documentaire, c'est-à-dire c'est une caméra posée et qui filme sur une voiture qui roule. Donc là, une forme d'ancrage. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, j'ai posé mon action à Bolène, j'aurais pu le faire ailleurs, mais parce que j'ai un vécu, et ce qui m'a intéressé dans Bolène, c'est le vide, et le vide que j'ai ressenti. Et donc voilà ce qui m'intéressait, et du coup je me suis dit je filme de manière très simple les rues, le vide de ces villes là et dans cette école de même par rapport à la durée, moi je crois que quelques travelling suffisent à montrer. J'avais pas besoin de surligner. Après, ce qui vient dans les scènes, ce que les personnages doivent se dire entre eux, ils se le disent, mais j'ai pas besoin d'en rajouter sur la ville. À aucun moment, mon ambition était de montrer l'étendue de ce que c'est qu'une ville gouvernée par la Ligue du Sud. Parce que, par ailleurs, moi, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas la Ligue du Sud, l'échec ou pas d'une ville est lié autant à la ville qu'au département, qu'à la région et surtout à l'État. Donc, il y a beaucoup de choses politiquement. Ça aurait été très malhonnête de ma part de chercher à faire une thèse ou quelque chose. Donc, mais pour moi, c'est par ailleurs, c'est un des désirs premiers du film de faire dialoguer l'intime avec un lieu. C'est-à-dire, moi, ces travelling-là, ce sont des choses qui résonnent sur lui. C'est aussi important quand sa sœur lui parle ou quand son prof lui parle. La ville, elle évoque en lui des souvenirs, que ce soit la cité, tout ça, c'est des souvenirs qui ont... On est vraiment... C'est pour ça, à un moment, il parle avec son frère et il y a la musique, parce que ce que dit son frère, à un moment, ils sont dans une voiture, ils ressortent. Il lui parle de trafic et tout ça. Et à un moment, la musique vient couvrir les voix du frère, parce que ce qui intéresse, on est dans une rémémoration totalement sensible et émotionnelle de ce qu'il a vécu. On n'est même plus dans de comprendre ce que dit le frère. Donc ça, c'était pour moi. C'était important que le film soit structuré, quadrillé d'une certaine manière par ces plans. Pour Grignan, c'est sur un truc purement sociologique. C'est-à-dire qu'il y a une complexité aussi sociale. C'est-à-dire que moi, ça m'intéressait de montrer que déjà lui, dans son désir d'échapper à son histoire, déjà la complexité à la relation qu'il a avec la France, c'est-à-dire à la fois de parler anglais mais d'écouter Bachung, d'aimer Bachung parce que par rapport aux mots, par rapport à la poésie de Bachung, et ce rapport-là à Bolène, il y a aussi le château de Grignan qui est quand même qui est magnifique, et j'aimais bien que en quelques travelling, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on part vraiment de Bolène et tous les changements topographiques d'une certaine manière sont filmés. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, on peut arriver au château de Grignan. Donc j'aimais bien cette idée-là, que dans cette élévation sociale, il puisse accéder à d'autres pratiques culturelles. Et il est entouré par des gens qui ne lui ressemblent pas dans le public. C'est ça qui est important. Alors, y a encore sûrement beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'on vienne un peu tout de même à la question du producteur. Parce que, vous avez fait la Fémis production, moi mon fils a fait la Fémis scénario, mais il a moins réussi pour l'instant. mais c'est difficile, scénariste. Quoi ? Oh, ça fait une douzaine d'années. Ouais. Et il va je ne vais pas parler de mon fils ici. J'ai déjà trop tendance à raconter mes petites histoires. je m'arrête. Donc là, parce que les trois films, en tout cas qui sont notés, que j'ai vus aussi sur Wikipédia, c'est le film de Nabil Ayouch, le film de Fawzi Ben Saïdi et le film de Walid Matar que vous avez produit. Alors, c'est un choix de la société de production, j'imagine, ne fait pas que ça, mais tout de même, c'est un choix fort de dire je veux aider des projets qui m'intéressent et qui existent en tant que tels, évidemment, qui risquent par ailleurs d'avoir, de ne pas trouver toujours le producteur qu'il faudrait. Et je peux être celui-là. Et est-ce que c'est ça? Comment vous voyez c'est votre stratégie de producteur? Et alors, question subsidiaire, c'est à partir du moment où vous faites un premier film qui est réussi à ce point-là, est-ce que le réalisateur ne va pas prendre le pas sur le producteur? Non, sur les lignes littorales, bon, moi j'ai la chance de produire, dès que je suis sorti de l'école, de produire pas mal de films, beaucoup de courts-métrages. En effet, il y en a beaucoup, il y en a un qui d'ailleurs qui a été montré hier, Rojoula. Et après, non, moi je suis marocain, donc en fait. Les gens veulent vous coller une étiquette, donc je voulais pas. Hein. Non, mais vous l'avez pas fait d'ailleurs. Mais voilà, dès que vous faites deux trois choses qui se ressemblent, on veut voilà. En tout cas, beaucoup de gens veulent que je produise que des films marocains, mais c'est faux puisqu'en plus ils assimilent Walid Matar à un film marocain. Bon bref, tout ça c'est que moi je produis. C'est tunisien, Walid Matar. Oui, bah oui. Mais c'est un film tunisien. Bah oui, bien sûr. Pour moi aussi. Mais les gens très rapidement et non la seule cohérence éditoriale, je pense que je fais un cinéma d'auteur engagé sur des questions sociétales ou sociales. On appelle ça comme on veut. Donc après, c'est vraiment après, c'est trouver l'équilibre économique parce que les films coûtent cher malheureusement. Et donc c'est du cas par cas. C'est vraiment je ne produis pas des films, je ne produis pas des sujets, je produis des réalisatrices et des réalisateurs. Et c'est vraiment ça le départ. C'est vraiment des rencontres. Leïla Bouzid, on était à l'école ensemble. Elle m'a présenté Walid Matar. Après, j'ai rencontré Nabil Ayouch. Il m'a présenté Faouzi Ben Saïdi. Je fais plein de courts-métrages français. J'ai travaillé sur les... Vous étiez avec la même promotion que la musique. J'étais dans la même promotion que la musique. Mon fils, il a. Il était un an ou deux ans avant. Il s'appelle comment? Thomas Vallon. Thomas Vallon. Mais ça me dit quelque chose. C'est une excellente mémoire. Non, mais monsieur Bouzid. Enfin, personne. Voilà. Excusez-moi. Donc oui, je produis. Après, ouais, je produis quand même beaucoup de choses. Là, je produis des films en France. Aujourd'hui, mon activité de producteur est structurée quand même entre Casablanca et Paris. Donc, je fais aussi des films marocains et des films français. Je fais moins de projets tunisiens qu'auparavant. J'ai suivi deux réalisateurs, mais Walid, j'attends de voir s'il a d'autres projets. Après, sur la question de la réalisation, ce film, je l'ai fait vraiment rapidement. Il a été tourné en 3 semaines. C'était vraiment une forme de nécessité. Je me dis que quotidiennement, mon travail, c'est la production. Et que si j'ai une urgence, ça a été super comme expérience. Donc, j'ai envie de refaire, mais il faut trouver le sujet, le temps nécessaire et tout ça. Je ne referai pas pareil parce que je suis content d'avoir fait le film, mais je l'ai fait de manière trop rapide, trop peu de temps, trop peu de moyens. Donc aujourd'hui, si je réalise, je voudrais commencer à réaliser. Voilà, donc, parce que le film là, c'était vraiment un cas exceptionnel. Bolène, c'est une ville où j'ai vécu. Le film n'est pas mon histoire, mais il y a des choses qui sont personnelles. Non, je me laisse le temps. Je vois. Aujourd'hui, je suis très pris par la production, mais j'aimerais bien réaliser. Oui, c'est super. Après, il faut... Il faut un producteur, quoi. Quoi ? Après, il faut un producteur. Ouais, parce que ce film a été très mal produit, par ailleurs. Alors, j'ai pas vu bien le générique final, mais il n'a pas eu l'avance sur recette ? Il a eu l'avance sur recette après réalisation. Après réalisation. Ils ont vu le film, et après, je l'ai eu à l'unanimité, mais je ne l'ai pas eu avant. Ah bon, c'était refusé au collège ? En fait, je voulais tourner très vite et je ne voulais pas attendre. D'accord. Et du coup, je me suis dit, je le fais. Voilà, comme c'est l'avantage d'être producteur, c'est aussi de dire, ah, on y va. Donc, vous n'avez pas donné une deuxième chance à l'avance sur recette? Non, voilà. Moi, j'ai pas donné. Mais bon, c'est un long sujet de parler de l'avance sur recette. Et vous travaillez avec un distributeur ou là, c'est le au coup par coup? Là, le film a été distribué par Pyramide, qui est un distributeur avec qui j'ai déjà travaillé sur Much Love. Donc c'est le deuxième film qu'on fait ensemble. Sur d'autres films, non, c'est un autre distributeur. En fait, c'est chaque fois qu'on a un projet, soit sur scénario, soit sur film fini, on essaie d'avoir un distributeur. Sachant que c'est très difficile. Aujourd'hui, la distribution est l'endroit le plus fragile de l'exploitation cinématographique. De la filière, l'exploitation du film. C'est-à-dire il a marché, est-ce qu'il a marché bien. Parce qu'un film, aujourd'hui, des fois, on donne des chiffres. Un film qui fait. Ça dépend le nombre de copies, mais par rapport à l'économie, ça a très bien marché, puisqu'on a fait 25 000 entrées par rapport à une sortie l'été sans affichage, sans rien. Donc, c'est relatif, c'est un chiffre assez faible, mais il a, par rapport à l'argent investi, oui, il a marché. Après, il y a eu, pour un premier film, c'est bien. Là, le film a été nommé au prix Louis de Luc. Donc voilà, c'est aussi une reconnaissance critique. Le film a été bien accueilli globalement, donc j'ai eu cette chance-là, le film a été bien accueilli. Et à Bolène. À Bolène, j'ai fait une projection. Les gens qui sont venus, et ça c'est une constante partout en France, vous ne faites pas une étude sociologique en allant dans des débats dans les cinémas, parce que où que vous alliez, vous avez quand même un public relativement curieux, intéressé, cultivé. Donc généralement, j'ai des gens très sympathiques en face de moi et des gens très intéressants. Voilà. Donc les gens qui s'intéressent, qui les gens qui votent Ligue du Sud à Bolène sont pas venus voir mon film. Voilà, pour faire très simple. Et un peu faux, mais c'est un peu ça. Et ça, le fait d'avoir réalisé ce film m'a donné à voir ça, c'est que le public du cinéma, il est assez homogène. Bon, après, malheureusement, parce qu'on aimerait que dans chaque ville, on ait de la diversité, on ait des choses comme ça. Mais même à Bolène, ceux qui sont moins ouverts politiquement ne sont pas venus, les jeunes des quartiers ne sont pas venus. Car voilà, c'est vraiment le tissu associatif des gens qui s'intéressent au cinéma. C'est pas Star Wars, donc c'est évident que c'est vraiment, on attire les gens qui sont intéressés par des thématiques, parce qu'ils ont écouté France Culture, parce qu'ils ont écouté France Inter, parce qu'ils ont lu les cahiers du cinéma. Bon, ça, on reste, c'est un public précis. Alors maintenant, dans le désordre, il y a encore des envies. Oui, moi sur cette histoire, ça m'a beaucoup intéressé, parce que j'y ai retrouvé une histoire un peu personnelle, des rapports de la famille. Comme on dit, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Et c'est vrai que les tensions, alors en sortant du milieu du film, qui est un milieu de maghrébin, que je connais aussi bien par ailleurs, je trouve que c'est très universel, parce que les tensions qui ont lieu actuellement en France et en Europe, entre ces montées justement des nationalismes et du racisme, font que dans certaines familles, il y a vraiment des coupures nettes, parce que c'est des façons de concevoir la vie. Pour des gens qui, certains sont complètement fermés aux idées progressistes et à la tolérance, et d'autres, dans la même famille, sont plus ouverts. Et à un moment donné, il y a une rupture, quoi, qui se passe, comme elle se passe dans le film, c'est pas une question d'amour. C'est à un moment donné, on se supporte plus, même si on continue à s'aimer. Et voilà, ça m'a beaucoup touché dans le film, et voilà, j'ai trouvé que tu avais bien refait oui. Ce que je disais hier soir, c'est que j'étais un peu en manque, moi. Voilà, j'ai trouvé que j'aurais voulu que le film dure un peu plus longtemps. Vous êtes, juste pour répondre, parce qu'avec avec le monteur du film, qui est quelqu'un qui était très important, parce que c'est Xavier Sirvin, dont j'ai produit deux courts-métrages, et qui est quelqu'un qui a beaucoup collaboré au film, surtout que j'étais le producteur, donc j'avais pas de point de vue extérieur. Sur la question du manque, moi, le fait d'avoir fait le film tout seul, avec mes propres moyens, et m'a donné une grande liberté. J'avais personne pour me dire un film doit durer, un distributeur vous dit un film c'est entre 1h15 et 1h30, c'est parfait. Parce qu'on peut faire plein de séances. le public est habitué, 1h20, 1h25, c'est très bien. Mais j'avais vraiment cette liberté de faire le film que je voulais, et je ne savais même pas s'il allait sortir en salle ou pas. Comme si c'était un film avec, quand même, qui aborde des sujets sociaux, voire politiques, de manière très frontale, et pour en produire, puisque ça a été la même question, par exemple, sur Zakaria, de Leïla Bouzid, sur le racisme, sur des choses comme ça. Dès que vous en dites un mot de trop, tout s'écroule. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui trouvent que c'est trop dialogué, mais dès que vous en rajoutez un mot, les personnages ne s'expriment plus eux-mêmes, et on a l'impression que c'est le réalisateur qui veut charger quelque chose. Moi, j'avais vraiment, c'est d'où toutes les zones d'ombre de scénario où tout n'est pas expliqué, j'avais besoin que les personnages puissent avoir du hors-champ pour eux. J'avais pas besoin, il fallait pas que je qui parle en mon nom, que je m'exprime à travers eux. Donc il fallait les laisser vivre. Et du coup, les dialogues étaient très importants, il ne fallait pas trop en rajouter, parce que c'est un film qui ne supporte pas ça. C'est pas le film uniquement, mais tout ce genre de... Parce qu'évidemment que la réalité dépasse la fiction. Si je voulais faire comme en vrai, le film serait irregardable. Parce que dans la vraie vie, les choses sont encore pires. Vraiment. Et donc, du coup, on a fait le film tel qu'il nous a semblé, peut-être qu'on a eu tort, le mieux artistiquement, sans se soucier d'aucune logique de distribution. Et être en manque à la fin, pour nous, est un très bon signe. On ne voudrait pas vous rassasier. Oui, non, c'est vrai. Et alors, on avait un autre film où il n'y a quasiment pas de dialogue. Oui, c'est... Hein? C'était l'inverse. Oui, et qui durait 25 minutes alors qu'il était prévu 15 minutes. Et finalement, donc tout ça, c'est la manière de film qui commande, finalement, les choses. En fait... Il y a un côté burlesque dans Bol-Bol et très très aussi dans la danse, un peu comédie musicale. Et donc pour moi, les dialogues n'étaient pas si importants que ça en fait. Donc c'est pour ça que tout est dans le visuel, tout est dans cette fenêtre que j'ouvre. C'est-à-dire on peut vraiment dialoguer sans dialogue. Mais ça dialogue avec le public, du coup. Exact. C'est nous qui mettons des échanges entre le couple, par exemple. Exact. Ils disent, qu'est-ce que j'aurais dit si j'étais elle ou lui. Alors, j'ai peut-être coupé. Oui, c'est pas... Enfin, je veux juste le dire, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une tendance, parfois, dans les discussions, de vouloir enfermer un film dans ce qu'on imagine du réalisateur, ce qu'on imagine du quartier ou de la population. Par rapport à cette relation au père, moi, ça m'a fait penser... Je suis française sur... au moins 25 générations, donc, originaire en grande partie des Landes, où il y a beaucoup de paysans pauvres. Et alors, pas forcément la génération de ma génération, mais la génération de mes parents, ça a été des conflits avec les parents et avec les pères, parce qu'un paysan pauvre, il fait bosser ses enfants. Les enfants, c'est la main-d'œuvre gratuite. Et avec des relations, avec une colère contre le père et contre la terre. La terre qui était dure. Mais moi, je me souviens de cousins qui sont restés, mais qui ont laissé s'effondrer la maison. C'était de même une belle maison. Ils ont laissé s'effondrer la maison des parents. Ils ont construit une à côté. Ils l'ont laissé s'effondrer. Et quand mon père, pendant la guerre, alors que les citadins qui étaient accueillis chez les cousins, les parents à la campagne, ça permettait de manger, lui, il s'est enfui, quoi. Il préférait crever un peu la dalle à Bordeaux que de rester chez ses cousins avec ses relations avec le père paysan. Je pense que la relation avec le père paysan pauvre, la relation avec les ouvriers, avec ses taiseux, y compris dans des régions du sud, c'est taiseux, quoi. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant et qui ne concerne pas spécialement les Marocains, les Maghrébins. Ouais, c'est effectivement par ce que vous disiez sur un milieu social. C'est un milieu social. Sur un milieu social. Et la référence à Didier Ribon, elle me semble intéressante aussi, parce que la honte que l'on porte, ce que dit Didier Ribon, il pense que la honte, c'est par rapport au refus d'être, par rapport à l'homosexualité, et en fait, c'est souvent par rapport à l'origine sociale. Et là, y compris des fois sur des personnes d'origine étrangère, c'est marrant comme la honte qu'ils peuvent porter. Il l'annonce sur un côté et des fois c'est pas là qu'ils sont le plus blessés, c'est sur d'autres. Oui, mais la honte elle est globale et c'est pour ça ils mélangent tout, quelque chose de social mais aussi quelque chose de culturel, une espèce de résilience. Il est tellement honte de l'échec et de la pauvreté qui va même provoquer sa sœur en lui disant « Mais tu fais pas tes études, tu pries. » Alors que c'est totalement hors sujet, mais... Une violence, enfin... Voilà, après, c'est vrai que le rapport à la famille, heureux celui qui a des rapports tout à fait pacifiés et sains. Bon, bah alors, on s'arrête là-dessus. Heureux qui comme Ulysse. Bon, bah merci beaucoup à tous.